La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. En 1932, sera inauguré dans la province du Shaanxi un très ancien canal qui fut, au cours des siècles, souvent reconstruit. La dernière restauration de ce canal a une histoire complexe et palpitante sur laquelle Pierre-Étienne Ville s'appuie pour construire son cours consacré aux ingénieurs et philanthropes dans la Chine des seigneurs de la guerre, cette Chine qui est celle des moments de transition et donc de trouble entre la fin de l'Empire et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un canal appelé Tianhui, mais aussi canal Londo ou Django, du nom de son premier constructeur, rassemble autour de sa reconstruction tous les ingrédients de cette époque. Montée de la caste des ingénieurs, intervention des philanthropes, notamment américains, et de nombreuses luttes de pouvoir. Il permet aussi de prendre un contact vivant avec des personnages étonnants, romanesques et devenus mythiques. Pierre-Étienne Ville a pu pour la première fois croiser des sources extraordinaires et non exploitées pour reconstituer ces histoires foisonnantes. Dans son dernier cours, il nous a parlé de l'ingénieur Todd, l'expert qui travaillait pour les philanthropes américains de la CIFRC, c'est-à-dire la Commission internationale de secours contre la famine en Chine. Cet homme, très intelligent, homme de terrain et vieux baroudeur, a laissé de très nombreuses archives. Mais du côté chinois, l'autre constructeur du canal, l'ingénieur Li Zhe, a donné lui aussi naissance à toutes sortes de légendes. Li Zhe étant devenu une sorte de héros scientifique national, en tant que fondateur de l'hydraulique moderne en Chine, et pas seulement dans les milieux directement concernés par son œuvre et par ses réalisations, étant donc devenu une sorte de héros national, il n'est pas surprenant qu'il ait fait l'objet d'une littérature surabondante. Cette littérature, surtout la plus récente, et je pense en particulier aux quantités de notices biographiques qu'on peut pêcher sur Internet, cette littérature est extrêmement répétitive. Elle dessine le parcours modèle d'un expert et d'un patriote dont l'autorité professionnelle et morale était reconnue partout, d'un maître ayant formé une génération entière d'ingénieurs chinois et dont on requérait les avis et les collaborations d'un bout à l'autre de la Chine, et aussi d'un homme passionnément dévoué à la modernisation et au développement de sa province natale, le Shaanxi. De même que s'est imposée en Chine, comme nous l'avons vu, une légende dorée de la construction du canal Tianhui, par Li Zhe bien sûr, de la même façon s'est élaborée une version canonique de la vie de Li Zhe, commençant avec sa vocation d'ingénieur, formulée dès la fin de l'ère impériale, et dans le but explicite de reconstruire l'irrigation au Shaanxi, continuant avec ses années extraordinairement studieuses passées dans les universités allemandes, à Berlin et à Dantzig, puis son enseignement à l'école spéciale d'ingénierie Hehai à Nankin entre 1915 et 1922, et plus tard dans de nombreuses autres universités, insistant sur son activité infatigable de publication, on lui devrait près de 200 articles et ouvrages dans le seul domaine de l'hydraulique, plus de nombreux autres écrits, évoquant les campagnes de relevé de terrain au Shaanxi au début des années 1920 et les plans pour ressusciter dans toute sa gloire l'antique canal Django, et aussi les déceptions rencontrées chaque fois qu'il s'agissait de trouver des financements jusqu'à ce qu'enfin, comme nous avons vu, Yang Hucheng arrive à Xi'an et rende la chose possible. Énumérant aussi, toujours cette version canonique de la biographie de Li Zhe, énumérant aussi tous les postes importants qu'il a occupés dans les agences gouvernementales d'aménagement hydraulique, poste qu'il n'hésitait d'ailleurs pas à quitter lorsqu'il était en désaccord avec les dirigeants. Après tout, on était sous le régime corrompu du Kuomintang. ainsi que ses fonctions de dirigeant dans les organisations professionnelles d'ingénieurs créées à cette époque en Chine. Et enfin, évoquant les efforts à la fin de sa vie pour faire du Shaanxi une province modèle et une base économique à la pointe de la résistance contre le Japon, notamment la mise en route d'un vaste programme de canaux d'irrigation au Shaanxi, ce que lui-même avait appelé les 8 canaux d'abondance, dont le premier, bien sûr, était le Tinghuichu, c'est-à-dire le canot de l'abondance de la rivière Tin, et dont les autres ont été effectivement réalisés par la suite, même si Li Yijie n'a pas vécu assez longtemps pour en être lui-même témoin. Il est donc mort en 1938, à l'âge de 56 ans et visiblement épuisé. Rien de tout cela, de toute cette version que j'appelle canonique, n'est a priori contestable, même si l'exaltation actuelle du personnage est quelque peu exagérée par son systématisme même. Le prestige de Li Yijie était sans aucun doute très grand, et il semble avoir été extrêmement respecté, tant dans la profession que parmi l'élite politique de son temps. Mais après tout, il existait dans la Chine des années 20 et 30 d'autres ingénieurs chinois de très haut niveau, y compris dans son domaine de spécialisation, l'hydraulique, et il n'était pas le seul à avoir une vision globale du développement technologique du pays. Mais il est vrai que plusieurs de ses pairs ou de ses proches disciples, donc tout aussi certains d'entre eux éminents que lui, qui ont vécu plus longtemps que lui, ont choisi le camp nationaliste au moment de la guerre civile, et que pour cette raison, on ne parle plus guère d'eux en Chine continentale. Quoi qu'il en soit, le principal inconvénient de cette version canonique de la vie de Li Yijie, telle que je viens de la résumer, c'est là encore son unilatéralisme. Elle fait du personnage une sorte de saint technologique et patriotique, rebelle à toute espèce de compromis et exclusivement dévoué à son œuvre de développement d'une science moderne de l'ingénierie en Chine et à la création d'infrastructures susceptibles d'aider le pays à sortir du cercle vicieux des catastrophes naturelles et des famines. Or, il semble évident que Li Yijie était quelqu'un de bien plus complexe que cela, même s'il est difficile de le saisir au-delà de son personnage public et de l'image forgée par la littérature hagiographique qui s'est développée par la suite autour de lui. Et, surtout, l'époque était d'une infinie complexité, politiquement parlant, et quelqu'un d'aussi engagé dans le siècle que Li Yijie ne pouvait qu'être parfaitement conscient de ce qu'il fallait sans cesse négocier et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose sans le soutien des puissants du moment. Et avant 1930 en particulier, le pouvoir changeait souvent de main, au Shaanxi comme dans le reste du pays. En bref, ce qu'on voudrait pouvoir élaborer, c'est une vision un peu plus réaliste du personnage, de ses efforts et même de ses manœuvres pour réaliser ses projets, et pourquoi pas, de sa psychologie et de son comportement. Malheureusement, cela semble assez difficile à faire, même si, comme nous le verrons, ce n'est pas totalement impossible. C'est assez difficile parce que, justement, toute cette littérature bien-pensante et enthousiaste qui le concerne forme aujourd'hui comme une sorte de rempart autour de lui. Et que si l'on essaye de dépasser cela, de saisir Li Yijie dans sa réalité quotidienne, on ne dispose pas, comme dans le cas de Todd, d'un fonds d'archives privé soigneusement préservé. On n'a pas, pour reprendre une expression dont j'avais usé la dernière fois, on n'a pas de documents en temps réel. Ce n'est que par bribes, par des notations ou des détails rencontrés au hasard des sources, et par quelques rares témoignages d'un ton moins conventionnel que ceux reproduits dans la collection des Wenshizhi Liao, je vais y revenir tout de suite, que l'on arrive à donner au personnage un peu plus d'épaisseur humaine, sinon de fantaisie, car c'était quelqu'un apparemment d'infiniment sérieux, et aussi un peu plus de complexité politique. Et en toute justice, il faut ajouter que les propres écrits de Li Yijie livrent également un certain nombre d'aperçus importants sur sa carrière et sur son attitude, aperçus qui sont la plupart du temps ignorés des documents les plus immédiatement accessibles aujourd'hui. Il est en tout cas beaucoup trop tôt, je le dis tout de suite, pour se lancer dans une tentative systématique de reconstitution de la vie et de la personnalité véritable de Li Yijie, c'est-à-dire dépouillée de toute la géographie qui les encombre. Cela dit, une telle entreprise serait du plus grand intérêt, certes, mais je dois dire que cela m'étonnerait beaucoup qu'elle vienne radicalement contredire l'image du personnage qui a été popularisée, surtout après sa mort. Elle servirait simplement à lui donner un peu plus de dimension et de substance, encore une fois, et peut-être aussi un peu plus de contradiction. Quoi qu'il en soit, ce que je me propose plutôt de faire, c'est d'introduire en cours de route, et en rapport avec le fil principal de mon exposé, quelques-unes de ces données et de ces informations inédites, parfois inattendues, rencontrées au fil des sources, dont je parlais à l'instant. Il s'agit, si l'on veut, plutôt que de se lancer dans une grande entreprise biographique, il s'agit de rester en éveil sur tout ce qui concerne cette personnalité à coup sûr exceptionnelle et même centrale, dans le cas particulier de l'histoire du Shaanxi, mais qui ne résume malgré tout pas à elle seule l'histoire de la modernisation technique et économique de la Chine à l'époque républicaine, même dans les domaines de spécialisation qui ont été les siens. Ayant dit cela, il peut être malgré tout utile d'évoquer dès maintenant, même cursivement, et en rapport avec le problème des sources dont je suis en train de parler, l'un ou l'autre de ces aspects absents de ce que l'on pourrait appeler de nouveau la version standard de la biographie de Li Jue. Ne serait-ce que pour donner une première idée des nombreuses facettes du personnage, comme je l'avais déjà fait un peu à propos de Todd. Et pour commencer, je dirais que, dans le cas de Li Jue, il y a certainement pour nous un problème de distance culturelle. Autant pour moi, en tout cas, il semble assez facile de se figurer comment s'est formée la personnalité de quelqu'un comme Todd, je veux dire la façon qui nous semble finalement très naturelle, dont il est arrivé par une combinaison heureuse d'origine familiale et d'éducation, de force de caractère et tout simplement de chance, à devenir un représentant éminent de ce milieu d'Américains, et plus particulièrement dans son cas d'ingénieurs américains, se sentant investi d'une mission en Chine. Autant, le parcours de Li Jue demande de notre part un certain effort d'imagination pour être dégagé de la gangue de clichés dans laquelle l'a enfermée l'historiographie conventionnelle. Je distinguerai peut-être trois types de sources parmi celles que j'ai été jusqu'ici en mesure de consulter, s'entend, trois types de sources qui permettent à des degrés variables d'approcher, très variables même, d'approcher un tant soit peu le personnage sous des aspects plus personnels et, dirais-je, plus humains. Le premier type, qui est d'ailleurs le moins productif de ce point de vue-là, j'en ai déjà un peu parlé, ce sont donc les Wenshuzhiya, autrement dit ces matériaux pour l'histoire, publiés à partir de 1960 environ, puis après une interruption due à la révolution culturelle massivement pendant les années 1980. Ces Wenshuzhiya, je vous le rappelle, j'en avais dit un mot rapide, sont le résultat d'un, donc cette énorme collection est le résultat d'un vaste programme lancé par le gouvernement de la République populaire, dont l'objectif était de collecter des souvenirs et des témoignages sur la période républicaine, donc entre 1911 et 1949. Plus spécifiquement, dans le projet tel qu'il avait été conçu, ces témoignages et ces souvenirs émaneraient de personnes, par définition âgées, voire très âgées, ayant été actives à l'époque et s'étant trouvées, après 1949, en quelque sorte, du mauvais côté de la barrière. Il s'agissait en particulier de solliciter des personnes ayant participé de près ou de loin, et à des titres divers, aux entreprises du gouvernement nationaliste, d'anciens officiers ou même d'anciens collaborateurs des seigneurs de la guerre, et aussi d'anciens hommes d'affaires et compradors, des enseignants, etc., etc. Bref, dans leur majorité, ce qu'on appelait après 1949 des bourgeois, dont le trait commun, et c'était même la définition des collaborateurs des Wenshuzhiya, dont le trait commun était qu'ils ne s'étaient pas convertis au communisme après 1949, mais qu'ils étaient restés en Chine et qu'ils s'étaient, à des degrés divers, retrouvés exclus des carrières qu'ils avaient menées jusque-là, ou au mieux, marginalisés. C'est pourquoi l'on a parfois parlé, à propos des Wenshuzhiya, d'une mémoire des vaincus. L'un des objets politiques de toute l'opération, dont Zhou Enlai semble avoir été l'un des principaux promoteurs, c'était dans une certaine mesure de récupérer, ou peut-être pourrait-on dire pour le coup de resocialiser, au bénéfice de la nouvelle Chine, ses collaborateurs de l'ancien régime et ses anciens bourgeois, et par la même occasion de récupérer leur mémoire, de leur redonner un statut et une honorabilité en leur demandant de témoigner pour l'histoire. Et ceci, comme je l'avais dit, ils devaient le faire à la fois de manière très factuelle et, en principe au moins, avec la plus grande liberté, c'est-à-dire sans craindre d'être inquiétés pour des révélations politiquement délicates ou pour absence d'orthodoxie. Or, et en dépit de ces assurances, il ne me semble pas niable, à en juger au moins par le nombre somme toute limité d'articles que j'ai consultés dans ce véritable océan, il ne me semble pas niable que, tout en apportant une quantité phénoménale d'informations, les Wenshuzhiya restent d'un ton assez conformiste et, disons-le, orthodoxe, dans leur appréciation du passé. C'est que, malgré ces aspects souvent excitants, et aussi malgré tout l'enthousiasme et le patriotisme qui avaient souvent habité ces gens dans leur jeunesse, ce passé ne pouvait plus être évoqué, si je puis dire, comme un avenir. J'entends par là que certaines périodes, comme typiquement la décennie de Nankin, qui avaient pu à l'époque être vécues par les personnes à qui on demandait à présent de se les remémorer comme des périodes ouvertes, comme des périodes d'espoir, riches d'avenir, que ce temps passé donc ne pouvait plus aujourd'hui être évoqué par ces mêmes personnes comme le bon vieux temps. Il ne pouvait plus l'être autrement évoqué que de façon globalement négative, puisqu'il avait, été dominé par l'autorité d'un régime jugé a posteriori comme mauvais par définition, et par conséquent condamné par les lois de l'histoire à échouer au profit des communistes. Les idéaux communistes sont presque toujours présents en filigrane dans ces souvenirs, même s'il est rare qu'on les invoque explicitement. Et ils sont présents de manière en quelque sorte téléologique, comme incarnant le seul avenir de la Chine, ce dont à l'époque on ne pouvait pas toujours se rendre compte. Et non seulement possible cet avenir, mais bien sûr réalisé une fois survenu ce qu'on appelle là-bas la libération. Je généralise sans nul doute, mais tout cela n'en traduit pas moins une impression à laquelle il me paraît difficile d'échapper lorsque l'on consulte les témoignages des Wen Shiziliao. Cela étant, je reviendrai encore sur les problèmes très intéressants que soulève cette source, et pour le moment, je m'en tiens aux quelques textes qu'on peut y trouver relatifs à notre personnage de Li Jue, et textes dont les auteurs, pour le coup, n'ont pas été des exclus après 1949. Ce qu'on peut dire de ces textes, c'est que, tout en participant indubitablement de la légende dorée du canal Tianhui dont j'avais parlé, dont il semble d'ailleurs être une des sources, il nous livre quand même au passage un petit nombre de détails intéressants. Après tout, ce sont en principe des témoignages. J'en mentionnerai surtout trois de ces textes. Le premier, bien que publié dans les Wen Shiziliao, leur est en fait antérieur. Il s'agit en effet d'une biographie chronologique, c'est-à-dire année par année, donc de ce genre traditionnel en Chine que l'on appelle Nianpu, c'est-à-dire un catalogue par année, si vous voulez. Et cette biographie dont je parle en ce moment est intitulée tout simplement Li Jue Xianxiang Nianpu, donc biographie chronologique de M. Li Jue, et son auteur, qui est un certain Hu Puchuan, indique dans l'introduction qu'il est un ancien collaborateur de Li Jue au bureau provincial du Shanxi, et que c'est en 1948, donc, même avant la libération, qu'il a compilé cette chronologie de son maître vénéré, en accompagnement d'un travail plus important qu'on lui avait demandé, à savoir la mise en ordre de tous les écrits de Li Jue en vue de la publication de ses œuvres complètes, de son Quanji. Il s'agissait là d'une décision prise l'année précédente, donc en 1947, au cours d'une réunion nationale convoquée à Nankin par le ministère de l'Hydraulique, par le Shui Libu, et dont la réalisation avait été très logiquement confiée au bureau de l'hydraulique du Shanxi. On peut noter au passage que ces œuvres complètes, entre guillemets, dont Hu Puchuan dit avoir achevé la préparation, ont été publiées à Taïwan en 1956, du moins un volume qui porte ce titre, et que ce n'est qu'en 1988 que Pékin a publié un volume à peu près identique par son contenu, mais intitulé, lui, œuvre choisie, donc Li Jue Xuanji, où l'on trouve d'ailleurs en annexe la biographie chronologique dont je suis en train de parler, moins son introduction. En fait, aucun des deux volumes n'est à proprement parler complet, un véritable volume d'œuvres complètes, car il faudrait certainement beaucoup plus qu'un seul volume pour contenir tout ce que Li Jue a pu publier dans sa vie. Mais ils sont indiscutablement remplis de choses intéressantes, mais j'y reviendrai d'ailleurs la prochaine fois. Pour en revenir à Hu Puchuan et à sa biographie chronologique de Li Jue, celle-ci se présente en quelque sorte en deux étages, comme d'ailleurs beaucoup de Nianpu chinois. Premièrement, sous chaque année, il y a, après la mention de l'âge, donc l'année, l'âge, un paragraphe de renseignement purement factuel sur les événements de l'année en question, c'est-à-dire les postes occupés, les fonctions remplies, les voyages, etc., ainsi que les titres des principaux articles ou ouvrages parus pendant cette même année. Ces renseignements semblent en général fiables et ils permettent de disposer d'un cadre événementiel solide et relativement précis concernant la vie de Li Jue, donc année après année. Encore que l'épisode de la construction du canal Tianhui soit exclusivement attribué à Li Jue, donc rentre tout à fait dans la légende dont j'ai parlé, Li Jue, dont nous dit une note de Hu Puchuan, les paysans de la région récitent le nom comme si c'était un Bouddha vivant. Par exemple, pour évoquer malgré tout les informations utiles qu'on trouve dans cette biographie, par exemple, c'est là qu'on peut apprendre que Li Jue a commencé à étudier le livre des Odes à l'âge de 8 ans, qu'il a reçu ensuite une éducation classique complète, avec un maître privé, comme tout jeune chinois de bonne famille, grâce à quoi il a pu acquérir le grade de bachelier, c'est-à-dire le premier degré des examens mandarinaux, dès l'âge de 16 ans en 1898, ainsi d'ailleurs que son jeune frère. Et c'est aussi cette année, 1898, à 16 ans, qu'il se marie, comme on le faisait alors, c'est-à-dire au terme d'un arrangement conclu entre familles. Mais en même temps qu'ils se formaient aux disciplines classiques, les deux frères apprenaient les mathématiques chinoises et occidentales avec leur père, et étaient même devenus des célébrités dans la région pour leur talent dans ce domaine. Après être devenus bacheliers, ils avaient été admis à poursuivre leurs études dans une académie, c'est-à-dire une académie privée, ce qu'on appelle, traduit par académie, c'est une école privée, en quelque sorte, de préparation aux examens, à Qingyang, la sous-préfecture située au centre même du système d'irrigation du Longdong, non loin de leur sous-préfecture natale de Puchen, parce que Li Jue et sa famille étaient natifs de Puchen, qui est un peu au nord-est du site du canal. Cette académie portait, nous savons seulement qu'elle portait un nom, on ne peut mieux adapter au futur destin de Li Jue, puisque c'était littéralement l'académie de la vénération du concret, c'est-à-dire Chong Xu Shuyuan, vénérer le concret, en fait une sorte de connotation politique traditionnellement. Le che, c'est les études concrètes, c'est le gouvernement concret en fait, c'est l'administration réelle par opposition à l'idéologie et aux grandes idées. Et de cette académie, nous savons aussi que dès avant les réformes drastiques de l'enseignement décidées en Chine au début du XXe siècle, les deux frères pouvaient y faire, non seulement y étudier les classiques, mais aussi y faire de l'algèbre et y apprendre l'anglais et le japonais. En fait, Li Jue quitte très vite le circuit des examens traditionnels, qui vont d'ailleurs être abolis très peu de temps après, en 1905, pour devenir enseignant dans une école secondaire moderne à Changzhou, qui est une autre sous-préfecture de la même région, du Guangzhou, dont le directeur est également un natif tout à fait célèbre de la région, et qui croisera souvent la route de Li Jue. Il s'agit de l'écrivain, calligraphe et politicien Liu Youjun, né en 1879 et mort en 1964. Liu Youjun, qui était né dans une famille modeste de Sanyuan, c'est-à-dire que nous sommes toujours en plein dans la région irriguée par le système Weibei, Sanyuan avait à cette date, donc en 1898-99, obtenu le grade de licencié, c'est-à-dire Chuyuan, qui était encore bien plus prestigieux dans le deuxième degré du système académique traditionnel, qui était encore bien plus prestigieux dans le dit système que celui de bachelier. Mais Liu Youjun s'était converti aux études modernes et, ce qui était nettement plus grave, il s'était converti aux idées anti-manchoues. Un recueil de poèmes séditieux lui avait valu de risquer l'arrestation par les autorités en 1904 et il avait dû aller se réfugier, là où allaient se réfugier tous les révolutionnaires, en délicatesse avec le régime en place, quel que soit ce régime, c'est-à-dire dans la concession internationale de Shanghai. À Shanghai, Liu Youjun rejoindra le parti révolutionnaire de Sun Yat-sen. Plus tard, en 1918, nous le verrons revenir au Shanxi pour prendre la tête d'une armée d'inspiration Sun Yat-seniste en conflit pendant plusieurs années avec le gouvernement provincial de Xi'an. Cette armée étant basée toujours dans la même région du Weibei, et centrée à Sanyuan justement. Nous le verrons donc revenir pour cela et essayer de faire venir dans la même région son ancien camarade Li Jue pour restaurer l'irrigation. En vain d'ailleurs. En 1927, je veux dire, il l'invite mais en vain, Li Jue refuse. En 1927, après un voyage aventureux à Moscou, il sera l'un des dirigeants du régime révolutionnaire mis en place à Xi'an à la suite d'un conflit meurtrier et de grande envergure entre deux coalitions de seigneurs de la guerre dont j'aurai bientôt l'occasion de reparler. Mais, étant ainsi installé dans un nouveau pouvoir révolutionnaire dans la capitale du Shanxi, il décevra son vieil ami Li Jue en ne faisant rien pour ses projets hydrauliques. Et enfin, en 1930, devenu un des patriarches du régime du Kuomintang, ce qu'on appelait à l'époque un Yuan Lao, un grand ancien si vous voulez, Liu Youjun reviendra encore au Shanxi, où il est accueilli comme le messie, pour tenter d'aider sa province natale de lui venir en secours en jouant de son influence pendant la terrible famine dont j'ai parlé déjà et dont je reparlerai. Cette même année 1904, donc lorsque Yuven avait été obligé de s'enfuir et à Shanghai, Li Yijie avait quant à lui réussi à se faire admettre à l'université métropolitaine, c'est-à-dire Qingshe Dashue Tang, la future université de Pékin. Il a comme majeur, quand il entre dans cette université, l'étude de l'allemand, mais il n'en poursuit pas moins ses intérêts scientifiques. Peu après avoir obtenu son diplôme, en 1907, il reçoit une bourse d'un bureau chargé alors de programmer la construction d'un chemin de fer entre Tongguan et Xi'an, c'est-à-dire entre l'entrée de la province par l'Est. J'avais évoqué Tongguan d'ailleurs, montré sur la carte aussi, et la capitale de la province. Cette liaison ferroviaire entre donc, l'Est et puis la capitale du Shaanxi ne verra en fait le jour qu'en 1934. Il obtient une bourse de cet organisme donc pour aller se former comme ingénieur en Allemagne, à Berlin. Il rentre en Chine dès la nouvelle de la révolution de 1911. Il s'est même équipé d'un pistolet en Allemagne pour faire la révolution, mais repart en Europe en 1913 pour un voyage d'études en compagnie du fondateur du bureau hydraulique du Shaanxi, dont je reparlerai aussi, et reste en Allemagne jusqu'en 1915 pour y étudier cette fois et pour de bon l'ingénierie hydraulique. Comme nous l'avons déjà vu, Li Yijie revient en Chine en 1915 ayant été invité à enseigner à l'école d'ingénierie Rehai, tout juste fondée par le célèbre réformateur Zhang Tian à Nankin, dont Rehai, je le réécris une dernière fois, c'est littéralement le fleuve et la mer, donc ça désigne le bassin du fleuve jaune et de la Huai et du Yangtze. Donc c'est Rehai, Gongcheng, Chuanmen, Xueqiao, donc école spécialisée, école spéciale d'ingénierie Rehai, tout juste fondée donc par Zhang Tian, personnage extrêmement fameux, né en 1853, mort en 1926, dont il vaut la peine de dire un mot, car il a été assez souvent associé, en tout cas jusqu'à sa mort, aux entreprises de nos amis ingénieurs. Zhang Tian donc était un docteur, cette fois-ci c'est le top, de l'ancien régime, dans le système académique de l'ancien régime. Et il avait non seulement c'était un docteur, mais il avait été reçu premier à l'examen du palais en 1894, ce qui en faisait ipso facto une superstar dans le monde académique traditionnel. Mais ensuite, il s'était rapidement converti à la modernisation industrielle, à la réforme de l'enseignement, etc., etc., qu'il promouvait activement dans sa région natale de Nantong, sur la rive nord de l'estuaire du Yangtze. Et après 1911, sous la présidence républicaine de Yuan Shikai, il avait donc entrepris de gros efforts pour lancer un programme de modernisation hydraulique et de réaménagement de l'irrigation et de la protection hydraulique dans la vallée de la Huai, et par la même occasion de formation d'ingénieurs chinois. Sur ce dernier point, l'émergence d'un corps d'ingénieurs hydrauliciens modernes en Chine, Zhang Tian a certainement été un personnage clé. Et donc, comme nous venons de le voir, il associe très vite Li Yijie à cette entreprise. Le reste de la carrière de Li Yijie, j'en ai déjà dit un mot et je n'y reviens donc pour le moment pas. Cette carrière appartient, si l'on peut dire, à l'histoire, en tout cas à une histoire sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir de façon beaucoup plus approfondie. Toutes ces informations sur la vie de Li Yijie, donc, et pour reprendre le fil de mon exposé sur les sources, toutes ces informations, on les trouve année après année dans la biographie chronologique compilée par Hu Buchuan, dans le paragraphe que j'appelle « factuel ». Et à la suite de ce paragraphe, donc, il y a souvent, surtout à partir des années 1910, un autre paragraphe de commentaire de l'auteur, une sorte de note introduite par le mot « han », comme on introduit toujours les notes dans les textes chinois, où il fait quelques remarques, précise certains points et cite l'une ou l'autre anecdote. Cite parfois aussi l'autobiographie rédigée par Li Yijie en 1926, reproduite d'ailleurs dans l'édition de ses œuvres, publiée à Taïwan en 1956, mais pas dans la version de Pékin d'ailleurs, ou encore d'autres écrits peu connus, y compris de Li Yijie, y compris ses lettres. Et c'est là en fait que l'on trouve occasionnellement le détail intéressant ou significatif, voire l'information inattendue ou même personnelle. Par exemple, sur la vie non seulement studieuse, mais totalement et délibérément solitaire que Li Yijie menait pendant ses études en Allemagne, et aussi sur ses discussions théologiques avec un pasteur qui voulait le convertir, alors que lui s'affirmait bouddhiste. Ou encore sur ses activités pédagogiques et son approche très éclectique, humaniste même, de l'enseignement de l'ingénierie au collège ou à l'école spéciale Rehai, ou toujours sur sa frustration au Shaanxi en 1927, devant les politiciens qui font la révolution et qui n'écoutent pas ses propositions de développement économique. Celle-ci, cette frustration exprimée avec beaucoup de véhémence dans une lettre à Yan Xishan, le seigneur de la guerre relativement civilisé ou moderne qui régnait sur la province voisine du Shanxi. Ou encore, dernier exemple, sur l'activité frénétique et épuisante que Li Jue a déployée certaines années, comme par exemple en 1935, lorsqu'il est appelé de chantier en chantier dans toute la Chine, ce qui ne l'empêche pas de rédiger une quantité réellement phénoménale d'articles. Donc sur tout cela, Obuchuan propose dans ses notes additionnelles, disons, au corps de la biographie, un certain nombre d'informations qui sont pas toutes inédites, mais malgré tout utiles. Si bien que, lue attentivement, cette biographie chronologique, publiée donc dans les Wenshe Zeliya, bien que composée bien avant, reste incontestablement une source précieuse sur la vie et la carrière de Li Jue. En revanche, on ne peut pas vraiment en dire autant des deux autres textes sur lui, publiés dans les Wenshe Zeliya, dont je voulais parler, qui semblent d'ailleurs avoir assez généreusement puisé justement dans cette biographie chronologique de Hu Buchuan, mais qui se présentent néanmoins comme de véritables témoignages. Pour en dire rapidement un mot, malgré tout, il se présente le premier, qui est intitulé, je traduis en français directement, « Souvenir sur l'éminent spécialiste de l'hydraulique, M. Li Jue ». Ce premier texte, donc, est dû à un ingénieur assez connu, nommé Xu Kai, né en 1900, mort en 1970, Xu Kai, lequel faisait partie de la toute première génération des étudiants de Li Jue. À l'école Rurai, donc à Nankin, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Et après un séjour de travail et d'études en Amérique, Xu Kai avait rejoint Li Jue au Shanxi en 1924. Il a donc été un témoin direct, et même très engagé, des premiers efforts de Li Jue pour reconstruire le vieux canal Longdong. Et aussi, il a été témoin, et là aussi engagé, des efforts de Li Jue pour faire réaliser ses plans et des frustrations qu'il a rencontrées à cette occasion. Par la suite, Li Jue le prendra comme adjoint, ou même comme délégué, pour certaines de ses missions importantes en Chine centrale. Et en 1935, Xu Kai le remplace même comme ingénieur en chef du projet d'aménagement de la rivière, du bassin de la rivière Huai, qui a été l'un des très grands projets d'infrastructure du gouvernement nationaliste. On peut encore mentionner, parmi une vie extrêmement remplie, qu'en 1937, Xu Kai part en Europe pour un grand voyage d'études à l'invitation de la Société des Nations, pendant lequel il participe d'ailleurs à plusieurs chantiers importants en France, en Belgique et en Hollande. Que, pendant la guerre du Pacifique, il occupe de hautes fonctions dans les agences techniques du gouvernement nationaliste replié au Sichuan. Et enfin que, après 1949 et jusqu'à sa mort en 70, donc, il occupe semblablement des postes importants dans les provinces et au ministère de l'hydraulique à Pékin, et qu'il a même été à plusieurs reprises désigné, puisqu'on n'élit pas, on désigne, pour faire partie de l'Assemblée nationale populaire. Comme beaucoup d'autres techniciens de haut niveau, il a donc été récupéré par l'appareil d'État du régime populaire, bien qu'il ne semble pas avoir été jamais membre du Parti communiste. En d'autres termes, même s'il a contribué au Wenshe Zeliya, on ne peut pas vraiment compter Xu Kai au nombre de ses exclus ou de ses vaincus dont je parlais tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, des longues relations qu'ils ont entretenues, l'esquisse biographique de Li Jue, rédigée par Xu Kai pour les Wenshe Zeliya, n'apporte pas grand-chose de nouveau sur sa carrière. En dehors peut-être de quelques notations sur son style d'enseignement au collège Rurai de Nankin, avec une insistance notoire sur le travail de terrain, comme l'attestent d'ailleurs plusieurs autres auteurs. Et c'est après tout un détail important si l'on se souvient qu'une des plaintes fréquentes des ingénieurs occidentaux concernant les ingénieurs chinois avec qui ils travaillaient était leur peu d'enthousiasme à quitter leur bureau et à se retrousser les manches. Pour Todd, être prêt à se retrousser les manches était au contraire une des caractéristiques marquantes des ingénieurs américains. C'est même ce qui les distinguait des Européens ou des Chinois trop épris de leur confort. De même, Xu Kai souligne, là encore comme d'autres, les efforts de Li Jue pour associer dans son enseignement l'étude des réalisations de la grande tradition hydraulique chinoise et celle de l'ingénierie occidentale moderne. Je souligne au passage, là aussi, car non seulement cet enracinement dans la tradition technologique nationale était une attitude en quelque sorte naturelle chez des ingénieurs chinois, mais en outre, il est clair que ces réalisations chinoises anciennes interpellaient beaucoup les ingénieurs étrangers travaillant en Chine, comme on peut par exemple le constater dans pas mal d'articles de la revue de l'Association des ingénieurs chinois et américains dont j'ai parlé la dernière fois. Enfin, on trouve dans les Wenshizhi Liao un troisième texte, une autre esquisse biographique de Li Yijie qui, elle, révèle un peu plus, mais à vrai dire pas beaucoup plus, de sa personnalité, peut-être parce que son auteur n'est autre que le neveu de Li Yijie, nommé Li Fudu, lui aussi très connu comme on va le voir. Comme Sukai, Li Fudu est devenu un ingénieur de haut rang sous le régime populaire. Il a par exemple été l'un des principaux ingénieurs chinois dans le grand projet sino-soviétique du barrage de Sanmen sur le fleuve jaune dans les années 1950, et on trouve son nom parmi les membres de nombreuses, sur Internet par exemple, parmi les membres de nombreuses instances officielles, à commencer par la conférence consultative du peuple chinois, dont font partie, comme vous savez, de nombreux notables non communistes, mais s'étant, disons, résignés à être compagnons de route. Li Fudu et son frère aîné avaient été pris en charge, en fait, par leur oncle Li Yijie, qui s'était occupé de leurs études à Shanghai et à Nankin, à l'époque où il y enseignait. Et là, le témoignage de Li Fudu sur le style d'enseignement de Li Yijie est assez précis, notamment sur les matériaux d'enseignement qu'il rédigeait lui-même, et surtout sur les tournées de terrain à l'occasion desquelles il emmenait ses étudiants visiter des chantiers ou participer à des travaux de relevé, parfois fort loin de Nankin. Enfin, Li Yijie avait envoyé à ses frais ses deux neveux étudier l'ingénierie en Allemagne dès 1921, et en y consacrant ses droits d'auteur et en empruntant de l'argent. Et dans une lettre de 1928, Li Yijie dit qu'il est encore lourdement endetté à cause de cette aide donc qu'il apporte à ses neveux. Li Fudu reste en Allemagne pas moins de 7 ans, de 1922 à 1928, à Göttingen et à Hanovre, où il reçoit son diplôme d'ingénieur. Il y retourne encore en Allemagne en 1933, mais cette fois à l'université technique de Dresde, pour aller travailler avec un professeur extrêmement réputé, Hubert Engels. Engels avait édifié un laboratoire d'hydraulique expérimentale dans lequel on pouvait étudier divers problèmes relatifs aux cours d'eau au moyen de modèles réduits. John Freeman, par exemple, ce célèbre ingénieur américain, invité en Chine en 1919, dont j'ai parlé la dernière fois, Freeman y était passé en 1913. En 1923, ce sont deux étudiants chinois appelés à un brillant avenir dans la profession, eux aussi, Shen Yi et Zheng Zhaoting, qui vont travailler, c'est des gens connus, surtout Zheng Zhaoting, qui est l'auteur d'un, dans les années 30, a publié une des histoires classiques, disons, de l'irrigation et de l'hydraulique du Shui-Li en Chine. Donc Shen Yi. Ça fait beaucoup de noms, mais finalement, il faut, je crois, avoir un peu un sens de ce milieu qui était beaucoup plus nombreux que s'il s'était réduit à ses principaux héros. Et Zheng Jiaotin, donc ce sont ces deux étudiants en 23 qui vont travailler sous la direction de Engels, et par leur intermédiaire, celui-ci va commencer à appliquer ses méthodes expérimentales au problème du fleuve jaune. Dès 1928, Li Yijie, qui était au courant de ces travaux de Engels, avait demandé l'organisation d'un laboratoire d'hydraulique en Chine sur le modèle des laboratoires allemands. Et après beaucoup de difficultés, il réussira finalement, en 1935, à faire créer un laboratoire, le premier laboratoire expérimental de ce type, dans les locaux de l'Association hydraulique de Chine du Nord, à Tianjin. Et ce nouveau laboratoire, Li Fudu, en sera justement le responsable. Ce nouveau laboratoire qui sera d'ailleurs détruit peu de temps après, au moment de l'invasion japonaise par bombardement en 1937. Li Fudu, auteur en 1933 d'une thèse publiée de l'université de Hanovre, donc en allemand, sur la régulation du fleuve jaune, a par conséquent été très étroitement associé à la vie et aux travaux de son illustre oncle. Pourtant, et en dépit des notations personnelles qu'il contient, le texte de lui publié dans les Wenshizhi Liao, dont le ton est extrêmement patriotique et hagiographique, est en outre trop orienté politiquement pour être réellement utile. C'est ainsi que Li Fudu insiste lourdement sur les difficultés de Li Yijie avec certains hiérarques de l'administration du fleuve jaune dans les années 30 et avec diverses personnalités du gouvernement nationaliste, et qu'il décrit ce dernier comme pourri et impuissant. Alors qu'aujourd'hui en Chine, ajoute-t-il, on peut enfin faire des choses. Et c'est là, écrivant donc vers 1960, et c'est là en fait que l'on rencontre les limites de ces textes des Wenshizhi Liao, lesquelles limites découlent d'abord, me semble-t-il, de leur conformisme politique, dont je parlais déjà tout à l'heure. En effet, on peut voir ailleurs que les relations de Li Jue avec les autorités nationalistes, et d'ailleurs faudrait-il ajouter avec toutes les autorités, quelles qu'elles soient, susceptibles d'influencer dans un sens ou dans l'autre la réalisation de ces projets d'aménagement hydraulique et de développement économique, que ces relations donc avec les autorités ont été bien plus complexes que ne le laisserait entendre un texte comme celui de Li Fudu. On sait par exemple que Li Jue a eu dans certaines circonstances une réelle influence, et personnellement, je veux dire en personne, sur Chiang Kai-shek lui-même, qu'il a entretenu de bonnes relations avec plusieurs seigneurs de la guerre sur le territoire de qui il avait réalisé des travaux. Nous avons vu qu'il l'écrivait par exemple à Yanxishan. Et que, enfin, au Shanxi, il était prêt à s'entendre, même avec un gouverneur, plutôt dans sa carrière, il était prêt à s'entendre, même avec un gouverneur militaire assez peu recommandable, à un moment où il semblait que celui-ci pourrait favoriser la mise en route du projet du Weibei. Je voudrais dire un mot d'un autre auteur qui n'a pas écrit, lui, dans les Wenshuziya, et pour cause, puisqu'il est parti à Taïwan en 1949, mais qui, comme Ru Buchuan, comme Xu Kai ou comme Li Fudu, a étudié avec Li Jue et a été un de ses proches collaborateurs. Il s'agit d'un certain Song Xicheng, dont je n'ai pas relevé les dates, je crois qu'il est né en 1900 lui aussi à peu près. Song Xicheng est en tout cas de la même génération exactement que Xu Kai et Li Fudu, et comme eux, il a été formé par Li Jue au collège technique, enfin à l'école technique spécialisée en ingénierie rurale de Nankin. Après quoi, il est allé étudier en Amérique avec d'ailleurs le soutien financier du patron du collège Rurai, le protecteur, c'est-à-dire Zhang Tian lui-même, que j'ai déjà cité. Et à la suite de ce voyage en Amérique, il a encore beaucoup voyagé en Europe. Ce sont des voyages d'études. Je connais trois textes de Song Xicheng sur Li Jue, d'ailleurs assez différents l'un de l'autre. Il est possible qu'il y en ait d'autres, car ça a été un auteur extrêmement prolifique, aussi bien en essais historiques qu'en textes ou en ouvrages purement techniques. Le premier de ces trois textes est un petit texte de 1951 qui s'intitule, je traduis en français, qui s'intitule « Souvenir sur mon maître en hydraulique, Monsieur Li Jue, rédigé la veille de la réunion de l'Association chinoise d'ingénierie hydraulique ». Le second texte, c'est la seconde partie d'un petit livre de Song Xicheng intitulé « Biographie conjointe de deux maîtres modernes en hydraulique, Qindai Liang Weishu et Li Taoshi ». Rejoignent donc une double biographie publiée à Taipei en 1977. Et enfin, Song Xicheng a publié en 1964 une vie de Li Jue, Li Jue de Shangping, qui est un ouvrage nettement plus conséquent. Ce dernier ouvrage s'ouvre d'ailleurs, c'est un détail, ce genre de détail finalement parlant, s'ouvre sur une préface calligraphiée de Yu Youzhen, ce hiérarque du Kuomintang, originaire de Sanyuan au Shanxi, des vieilles amies de Li Jue dont j'ai dit un mot tout à l'heure, et qui s'est lui aussi réfugié à Taïwan en 1949. Et cette préface de Yu Youzhen est datée de 1963, donc juste un an avant sa mort. Ces écrits de Song Xicheng sur Li Jue parlent bien sûr en grande partie des mêmes choses que ceux que j'ai évoqués précédemment, même s'il y a quelques variantes factuelles. Par exemple, au titre des variantes, Song Xicheng affirme que c'est dès l'époque de ses études à Qingyang, à la fin du XIXe siècle, que Li Jue, frappé par la décadence de l'irrigation au Guangdong, aurait décidé de laisser tomber les études classiques et de se plonger dans celles de l'hydraulique, et donc d'aller d'abord apprendre l'allemand à Pékin pour pouvoir aller étudier en Allemagne, pays réputé comme étant, c'est toujours Song Xicheng qui le dit, pays réputé comme étant le plus avancé dans ce domaine. Avec la Hollande. Alors que tous les autres auteurs affirment que la vocation d'hydraulicien de Li Jue est née au cours de son second voyage en Europe en 1913, lorsqu'il était justement, il accompagnait comme interprète en fait le nouveau chef du bureau de l'hydraulique du Shanxi. Mais cette contradiction, à vrai dire, n'est pas d'une très grande importance. Concernant l'enseignement de Li Jue à Nankin, Song Xicheng souligne, comme tous les autres, mais de façon peut-être plus vivante, l'infatigable dévouement de Li Jue envers ses étudiants, qu'il considérait comme ses propres enfants, sa façon de combiner l'étude de l'ingénierie hydraulique chinoise traditionnelle et celle de l'ingénierie occidentale moderne, comment en voyage on le voyait toujours avec les dernières publications allemandes d'hydraulique spécialisées à la main, car il ne voulait pas se laisser dépasser par le progrès de la science, etc., etc. Il note d'ailleurs que ses succès hydrauliques au Shanxi, ses réalisations, Li Jue les devait en partie à la petite équipe d'une dizaine d'anciens étudiants à sa dévotion, dont certains sont devenus assez connus dans la profession, à commencer par Xu Kai, qu'il avait emmené là-bas et avec qui il formait, nous dit Song Xicheng, comme une seule famille. sur l'extraordinaire popularité que la construction du canal Tsinghua et le rétablissement de l'irrigation dans le Guangzhou semblent avoir valu à Li Yizhe dans cette région, car si, comme je l'ai dit précédemment, il n'est pas beaucoup intervenu dans la réalisation proprement dite du Tsinghua Tsu, son nom, à Li Yizhe, n'en était pas moins étroitement attaché au projet dans l'opinion publique, et après tout, il était chef du bureau de l'hydraulique de la province et il est resté jusqu'à sa mort. Sur cette popularité, donc, tandis que, comme nous l'avons vu, Hu Buchuan disait dans sa biographie chronologique que les paysans du Shanxi évoquaient Li Yizhe comme un Bouddha vivant, Song Xishang, pour sa part, affirme qu'aujourd'hui encore, les paysans de la région le vénèrent comme le dieu du foyer, comme le Zhaoshen, et qu'on peut bien dire qu'ils pensent à lui à chaque repas. Mais là où Song Xishang introduit vraiment un fait nouveau, sensationnel même, d'une certaine manière, et en tout cas si l'on considère, sensationnel en tout cas si l'on considère les enjeux idéologiques de la récupération du personnage par le régime actuel, c'est quand il évoque sa mort. D'après son petit texte de 1951, pendant sa maladie finale, la maladie finale de Li Yizhe, les habitants des régions irriguées par les canaux qu'il avait construits ou qu'il ou fait construire, arrivent en foule et viennent s'attrouper à l'intérieur même de l'hôpital. Des vieilles femmes se relaient devant sa chambre pour prier le Bouddha et réciter des sutras. Après sa mort, quand on va l'enterrer près du canal, des dizaines de milliers de paysans endeuillés et en pleurs se joignent au cortège, etc., etc. Tout cela serait certainement vérifiable dans la presse locale de l'époque, à laquelle je n'ai pas eu accès. Mais l'information sensationnelle, la voilà. À en croire Song Xishang, alors que Li Yizhe était mourant, un missionnaire protestant, ému par la douleur de la foule, serait venu lui parler et prier pour lui, tant et si bien qu'à la fin du compte, il aurait réussi à le convertir et à le baptiser, et donc à s'assurer qu'un homme aussi remarquable aille bien au paradis. À la fin de sa biographie conjointe de Zhang Tian et Li Yizhe, Song Xishang raconte à nouveau la scène, avec plus de détails encore, et pour faire bonne mesure, il conclut en citant le testament rédigé par Li Yizhe sur son lit de mort. Il s'agit d'un court texte dans lequel Li Yizhe, d'une part, formule l'espoir que le peuple chinois continuera d'adhérer au tridémisme, au Sanminjui, donc à la doctrine de Sun Yat-sen, qui était l'idéologie officielle du régime nationaliste, bien sûr, et à suivre son dirigeant suprême, autrement dit, Chiang Kai-shek, jusqu'à la victoire finale contre l'envahisseur. La guerre, l'invasion japonaise a commencé l'année précédente, en 1937. Et d'autre part, dans ce texte, Li Yizhe confirme, au moment de mourir quasiment, confirme qu'il s'est bien converti au christianisme et qu'il a accepté le baptême et demande à être enterré selon le rite chrétien. On comprend que de pareils détails soient totalement absents des hagiographies de Li Yizhe publiées en Chine populaire. Mais surtout, si ces détails sont authentiques, et pour ma part, je n'ai pas de raison de ne pas croire qu'ils le sont, ou en tout cas, ils peuvent très bien l'être, si ces détails sont authentiques, il me semble que cette conversion in extremis jette rétrospectivement une lumière tout à fait intéressante sur le caractère et sur les préoccupations d'un homme dont je suis convaincu qu'en dépit de son image publique, et surtout de celle qu'on lui a faite a posteriori, il était d'un caractère très complexe et certainement très secret. Cela étant, les écrits de Song Xishang sur Li Yizhe sont également intéressants parce qu'ils sont d'un ton assez différent de ceux dont j'ai parlé précédemment. Politiquement déjà, Song Xishang a pris le chemin inverse de Su Kai et de Li Fudu, comme nous l'avons vu, puisqu'il est resté fidèle au régime nationaliste auquel il avait été étroitement associé pendant la période de Nankin et pendant la guerre. C'est en quelque sorte le point de vue de Taïwan qui s'exprime ici et cela se traduit par un ton très respectueux envers le Kuomintang, envers ses organisations et envers ses dignitaires, en contraste total avec les considérations dédaigneuses ou même méprisantes que l'on rencontre dans les Wenshe Zuliao et surtout chez Li Fudu. Mais surtout, la façon dont parle Song Xishang de son ancien maître est, pourrait-on dire, beaucoup plus humaine que ce qu'on trouve chez l'ensemble des autres auteurs. Les notations sur sa simplicité, sa modestie, sa générosité, son honnêteté, etc. sont souvent édifiantes, certes, comme celles que l'on rencontre occasionnellement chez les autres auteurs, publiées dans les Wenshe Zuliao, et toujours propres à susciter l'admiration et la sympathie, mais elles sont beaucoup plus nombreuses et pourrait-on dire plus naturelles, plus vraies. Mieux même, dans deux de ses publications, Song Xishang propose un certain nombre d'anecdotes, il les appelle un peu de la façon, comme on les appelle toujours en Chine, des yisheux, c'est-à-dire des petites choses dispersées, oubliées. Donc, propose un certain nombre d'anecdotes qui sont basés sur le journal, de Li Jie, journal dont on ignore d'ailleurs comment Song Qijang a pu l'avoir entre les mains à Taïwan ou avant, et qui serait indiscutablement un document en temps réel pour le coup. Certaines de ces anecdotes ou de ces notations sont extrêmement personnelles. Par exemple, sur l'aspect physique de Li Jie lorsqu'il était enfant, dans son village, on l'appelait le bébé occidental, Yang Wah, à cause de son teint clair, de ses cheveux jaunes, je ne sais pas, enfin c'est ce qui était dit, c'est ce que Li Jie lui-même disait dans ses mémoires, et de son haut front. Il y a aussi des anecdotes sur les circonstances de son mariage arrangé, mais pas dénué d'affection pour autant, sur ses relations avec ses condisciples à l'université de Pékin. Il était beaucoup plus travailleur qu'eux et refusait d'aller s'amuser avec les autres. Et d'ailleurs, ses camarades l'appelaient le sage, Shengren. Donc c'est ce qui était forcément ironique s'agissant d'un petit étudiant. On trouve aussi des choses sur sa découverte effarée des restaurants occidentaux à Shanghai, à sa première visite là-bas, avant de s'embarquer pour l'Europe, comme étudiant. Et c'est alors d'ailleurs, on est donc en 1908 je crois, qu'il se coupe la natte et s'achète des vêtements européens. On trouve aussi des renseignements sur sa vie plutôt solitaire en Allemagne, où la brutalité des étudiants et de leurs distractions, de leurs associations estudiantines, c'était l'époque où on faisait des duels, on essayait de se flanquer des blessures à la face pour que c'était considéré comme glorieux, il en parle, et donc le comportement de ses condisciples allemands, évidemment, lui déplaît profondément. Dans son journal, c'est la dernière chose que je mentionne, Li Jie parle aussi assez longuement, semble-t-il, à en croire Song Qijang, de l'apparition d'une jeune fille dans la brume, pareil à une immortelle, dit-il, alors qu'il se promenait dans les montagnes en Allemagne. Et il avoue que cette vision romantique l'a beaucoup fait fantasmer et qu'il n'a jamais pu l'oublier. En bref, parmi les sources chinoises que j'ai pu trouver sur Li Jie et sur ses entreprises, les écrits de Song Qijang sont incontestablement les seuls qui nous laissent entreapercevoir l'homme derrière l'ingénieur modèle et le grand patriote, même si, aux yeux de Song Qijang, Li Jie était aussi cela, bien sûr. En revanche, ce qu'on ne trouve nulle part dans les sources chinoises, ce sont des indications sur ses relations avec ses collègues étrangers. Alors que nous savons que celle-ci était fréquente et suivie, ne serait-ce qu'en raison des projets sur lesquels il collaborait, à commencer par le projet du Weibei. Pour se faire une idée un peu plus précise sur ce point, il faut en fait se tourner vers les sources que j'ai évoquées la semaine dernière, et en particulier vers les archives de Todd, de nouveau, et les correspondances qu'elles contiennent. Certaines de ces correspondances, pas très nombreuses à vrai dire, et portant plutôt sur des sujets techniques, sont directement entre Todd et Li Jie, mais Li Jie est mentionné dans beaucoup de lettres adressées à d'autres correspondants ou venant d'eux, et aussi dans certains rapports. C'est donc de cela que je dirai un mot pour commencer la prochaine fois. Il y a quand même un certain nombre de choses à dire sur ces relations entre ingénieurs, entre Li Jie et ses collègues occidentaux, et ensuite de quoi j'aborderai d'autres sources chinoises, mais plus rapidement, à commencer par les écrits de Li Jie lui-même, mais également certains documents tout à fait fascinants par leur contenu, publiés au Shanxi pendant la famine de 1928 à 1930, certains ouvrages récents qui ouvrent des perspectives intrigantes, mais qui ont le défaut de ne guère citer leurs sources. Et enfin, à nouveau, les Wenshe Ziliao, mais cette fois-ci sur le sujet des seigneurs de la guerre, à propos duquel ces témoignages nous en apprennent en fait énormément. Et cela, je pense, avant la fin de mon prochain exposé, cela me fera la transition avec l'histoire des premiers projets de reconstruction de l'irrigation au Guangzhou, qui ont été formulés par Li Jie dans un contexte politique et militaire passablement chaotique, et que j'essaierai donc d'analyser. C'était Éloge du savoir avec Pierre-Étienne Ville, titulaire de la chaire d'histoire de la Chine moderne. Présentation Christine Goimet, réalisation Dominique Briffaut.